aucune de ces filles ne viendrait, s'écria Rastignac. Je vais écrire à toutes deux. Aucune, répondit le vieillard en se dressant sur son séant. Elles ont des affaires. Elles dorment, elles ne viendront pas. Je le savais. Il faut mourir pour savoir ce que c'est que les enfants. Ah, mon ami, ne vous mariez pas, n'ayez pas d'enfants. Vous leur donnez la vie, ils vous donnent la mort. Vous les faites entrer dans le monde, ils vous en chassent. Non, elles ne viendront pas. Je sais cela depuis 10 ans. Je me le disais quelquefois, mais je n'osais pas y croire. Une larme roula dans chacun de ses yeux sur la bordure rouge, sans en tomber. Ah, si j'étais riche, si j'avais gardé ma fortune, si je ne la leur avais pas donnée, elles seraient là. Elles me lècheraient les joues de leurs baisers. Je demeurerais dans un hôtel, j'aurais de belles chambres, des domestiques, du feu à moi. Et elles seraient toutes en larmes, avec leurs maris, leurs enfants. J'aurais tout cela. Mais rien. L'argent donne tout, même des filles. Oh, mon argent, où est-il? Si j'avais des trésors à laisser, elles me panseraient, elles me soigneraient. Je les entendrais, je les verrais. Ah, mon cher enfant, mon seul enfant, j'aime mieux mon abandon et ma misère. Au moins, quand un malheureux est aimé, il est bien sûr qu'on l'aime. Non, je voudrais être riche, je les verrai. Ma foi, qui sait? Elles ont toutes les deux des cœurs de roche. J'avais trop d'amour pour elles, pour qu'elles annulent pour moi. Un père doit être toujours riche, il doit tenir ses enfants en bride, comme des chevaux sournois. Et j'étais à genoux devant elles. Les misérables, elles couronnent dignement leur conduite envers moi depuis 10 ans.